Ben, je pense que pas juste ça. Il y a un message à comprendre dans chaque track. Il y a un feeling à ressentir de chaque tune. Fait que faut que ça perce. Faut que le monde découvre ça. Puis parlant de découverte, ben, on va découvrir une autre chanson de ton album, une quatrième, si je ne me trompe aujourd'hui. Ouais. Ça s'appelle, je l'ai nommé J'étais un Thug, you know. Ah, fait que c'est une track un petit peu parodie. C'est en fait pour rire des gros thugs, no, I'm slang, represent, pis qui viennent de ghetto, genre Québec. Fait que moi, je ris de ça un peu. Fait que j'espère qu'il y a du monde qui va se sentir aussi, qui va réaliser, ça n'a juste pas d'allure qu'est-ce qu'ils font dans la musique. Sur le 109, CHA, voici J'étais un Thug avec Tony Doll. Yo yo yo, motherfucker. J'suis un enragé, man. Bah, j'suis un thug, non, m'sen. Fait que check this out, ça c'est ma shit, man. Ya, ya, fuck that. J'ai besoin d'être colosse pour montrer que j'ai une colonne. Je sais que j'suis belle féroce parce que c'est la vie est rough. J'viens de quartier, belle famille, pas facile, non, m'sen. J'survis en dehors du quartier. Moi pis ma gang, on est des bad boys. On court après les chicks, on les retient pour pas qu'ils s'en aillent. Fuck des posers, on va tape sur des posters. On tag sur des post-it, on est pas losers. Garage, des menaces, on va péter ta race. On tape sur ta femme, pis on t'éclate le ass. Motherfucker, que tu viens de vite avec ma clique, j'arrive chez vous. Check mon clip vite, mode vache, j'ai comme un fou. T-H-U-G, ça c'est ma vie. Attention à qui tu frottes, non, sir. Chick-a-blow, chick-a-blow, blow. J'ai un pote dans ce pronom, marqué ton idole. Si tu frottes, frottes à un tome, tu vas avoir les jambes molles. Va te cacher dans ton sous-sol, te donne qu'est-ce que la chaîne. Oh, j't'ai fait la pelle, viens donc, sur cop ma graine. Comme les fournitures, passe à la gueule, pas de futur. Fuck l'école, c'est pour les nœuds, j'ai mieux tagué ces murs. Sacrement, que je prends une mec, c'est déménage. Il faut que je blasse, je pour épater l'entourage. Chilling all days, always ready for parties. Tell me if you see some chicks without panties. I'm a bad boy with a tattoo on my neck. That's my name on my neck, more money for the upper step. T-H-U-G, ça c'est ma vie. Attention à qui tu frottes, non, son. Chicka-blow, chicka-chicka-blow, blow. Ça devrait être bloqué, j'ai plus si sinon ça qu'il up. Avec mes textes, t'es texté, vidom, félicité, même félicité, modélicité, arrêté, fait up. Ton obésité, précipité, je suis, tout mon bureau, tu l'as vidé. Mais fais plus un poids comme une mouche à maman restée. Des fois le monde me brûle du doigt, c'est une gag de jaloux. Des fois le monde crache sur ma muse, c'est une gag de jaloux. Je sais que je t'impressionne, c'est pour ça que tu pars de moi. Tu dis que je te whack, mais au moins tu pars de moi. Je sais que des fois, je suis toujours dans le beat, fuck off, ça paraît pas. On comprend pas toujours ce que je dis, T-H-U-G, ça c'est ma vie. Attention à qui tu frottes, non, sir. Chicka blow, chicka chicka blow blow. Chicka chicka blow, chicka blow. Chicka chicka blow blow. J'espère que les gens vont me croire, mais... Oups. J'ai jamais plus cette petite chanson en marde, Chris! Chris de niaiseux.